les yeux pour mieux te voir. Thank you. Je suis à toi, au loin là-bas. Tu es à moi sans être là. Elema. Elema. Thank you.